D'accord. Puis comme toujours, on entend, vous savez, on entend toujours ce truc que les Français, à part parler d'eux-mêmes, ils savent rien faire. Moi, évidemment, en tant que romancier, ça m'énerve. Je me sens attaqué personnellement quand on dit ça. Non, moi, j'avais envie d'un roman, à la fois d'un roman d'aventure, d'un roman épique et qui soit, qui soit formellement suffisamment puissant pour nous emmener quelque part, mais aussi bien dans l'intimité que dans l'extérieur, quoi. Et à cheval avec Laurent Mauvignier, son magistral Continuer, qui claque comme le plus beau mot d'ordre de la rentrée pour chacun d'entre nous. C'est publié chez Minuit. Il y a du Goncourt dans l'air, nous disiez-vous il y a quelques instants. Nous, dans quelques instants, on va surtout retrouver notre camarade Julien Courbet. À tout de suite. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 175 euros par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 2100 euros. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh, la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Qui habille, colore la vie. Le moment le plus magique de l'automne, c'est quand la nouvelle collection arrive chez Kiabi. Tous ces styles, tous ces looks de folie. Et si on est tendance hippie chic 70, on craque pour la blouse lavalière unie ou imprimée à seulement 9 euros. Et puis, les hommes aussi, on peut les looker hippie chic. Du 14 au 27 septembre, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. AGEM. AGEM, c'est le spécialiste français du meuble sur mesure. AGEM, comme AGEM en dressing qui est très élégant. AGEM, comme AGEM ma cuisine qui est super maline. AGEM, comme AGEM mes rangements qui sont épatants. AGEM, comme AGEM mon intérieur qui prend de la valeur. AGEM, votre intérieur sur mesure. Rendez-vous sur AGEM.fr. AGEM. Et du 15 au 30 septembre, ce sont les jours anniversaires AGEM. Venez profiter de conditions exceptionnelles sur tous vos projets. Voir conditions en magasin ou sur AGEM.fr. Quand j'étais jeune, je n'ai pas distribué de repas aux sans-abri l'hiver. Je n'ai pas milité pour préserver l'environnement. Je n'ai pas non plus fait un marathon pour les enfants malades. Je n'ai pas donné de mon temps pour les personnes âgées. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de soutenir toutes ces causes. Je fais un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le Saint-Félicien Tradition, un fromage. Du 14 au 16 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le Saint-Félicien de 180 grammes, 27% de matière grasse au lait de vache thermisé et fabriqué en France à 1,85€, soit 10,28€ le kilo. Un Saint-Félicien comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors ce week-end, ne les ratez pas. Les séries limitées MyCanal sont au programme des portes ouvertes Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Ouverture selon autorisation. Conditions sur seat.fr. 9h30, merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter et un grand bonjour à notre Julien Courbet national. Bonjour mon Yves, comment allez-vous ? Oh, très bien. Est-ce que vous avez vu hier que le CSA a décidé de convoquer tous les présidents de chaînes de télé ? Oui, absolument. Hein, parce qu'ils en ont marre d'avoir ces émissions avec des titres anglais. Et j'avais d'ailleurs été le premier à gueuler, moi, dans mon émission cet été, Still Standing, pour m'offusquer de ce genre de choses. Maintenant, on peut faire un débat. Est-ce qu'il vaut mieux une émission qui a un titre anglais, mais qui pose des questions de culture générale en français, ou des émissions qui ont parfois des titres en français, ou à l'intérieur, ça ne parle pas vraiment français. Hein. Vous avez donné la réponse dans votre question. Parce que, vous voyez, je pense à cette émission où on voit un cum qui ken une meuf sur la jeu-plat, et elle montre son huc à tout le monde. Attendez, avouez que c'est schémant comme Béda Vilka. Non ? On peut en parler quand même. Je un vois petit de peu. Quoi vous parlez. Oui, bon, oui. Mais c'était celle-là, exactement. Vous l'avez regardé, cette émission ? Non, mais j'en ai vu l'extrait ce matin, en arrivant à la rédaction, vous voyez. J'aime bien, moi, cette émission Ex on the Beach. Yes. Dans quel pays au monde tu es sur la plage avec ta femme ? Et tout d'un coup, t'as une ex qui débarque, elle a les seins trois fois plus gros que quand tu l'as connue, elle te les met sous le nez, et tu dois choisir entre ta femme et ton ex. Ouh, ça existe, ça. C'est magnifique. Moi, je suis accro à ce genre de... Je vois que ça vous inspire, c'est ça qui est plus important. Ça m'a mis dans une forme extraordinaire. Allez, Milka, à main 2. Bah, il est dingue. On va démarrer, c'est la porte ouverte. N'hésitez pas. Allez, bonne émission. La spéciale Portes Ouvertes, c'est le jeudi sur RTL, entre 9h30 et 11h. Le jeudi, c'est particulier. Vous appelez dès 9h du matin en direct et vous êtes immédiatement sur l'antenne. La preuve, vous allez voir, avec Patricia qui est en ligne avec nous. Patricia, bonjour. Bonjour. À quelle heure avez-vous appelé, Patricia ? 9h25. Bien. Situation d'urgence pour Patricia. Vous allez comprendre ça. C'est pour ça qu'on va tout de suite traiter son cas. À émission exceptionnelle, équipe exceptionnelle. La Divina Maître Felloneau, votre avocate, est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Double négociation. Roux et Combaluzier sont là. Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour Julien. Toutes les équipes sont là d'Alain Hazard, tous les journalistes. Et bien sûr, le Standard est prêt à vous accueillir au 3210. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France à 7h. Patricia, j'ai dit situation d'urgence. Patricia, je me permets de dire avec votre autorisation que vous avez 62 ans. Vous êtes donc à la retraite parce que ça concerne votre retraite. Vous avez travaillé 43 ans et vous ne touchez que 50% de votre retraite. Avec combien vivez-vous, Patricia ? Alors, avec 432 euros. Elle vit avec 432 euros par mois, Patricia. Et pourquoi ? Parce que vous avez envoyé vos feuilles de paie de deux années de travail, je crois, 78, 79, 79, 80, et personne ne les a, personne, tout le monde dit qu'elles n'existent pas, c'est ça ? Donc on ne vous paie pas. Voilà. Mais quand vous leur dites « j'ai envoyé ça », dites l'argument qu'on vous a rétorqué. On peut faire facilement des faux bulletins de salaire sur Internet. Voilà, donc elle a envoyé ses bulletins de salaire en disant « je ne comprends pas, ces années-là ne sont pas comptabilisées » et on lui aurait répondu « mais madame, on peut en faire sur Internet ». Alors aujourd'hui, où en êtes-vous, Patricia ? Quel est le dernier dialogue que vous avez eu avec les gens qui s'occupent de ça ? Il faut patienter. Ah, il faut patienter. Très bien. Eh bien, écoutez, là, nous, on patiente plus. On va les appeler dans une seconde. Un mot, Maître Felloneau. Moi, je remarque que le RSA aujourd'hui est à 524,16 €. Donc, elle vit avec moins que le minimum fixé par l'État. Alors qu'on a travaillé 43 ans et cotisé 43 ans. L'histoire de faire un faux, ça m'offusque. Parce que si c'est ça, qu'il porte plainte contre elle. Pourquoi est-ce qu'elle ferait la preuve, elle, de ce que ses feuilles de paie sont justes et sont réelles ? Je suis désolée. C'est scandaleux comme attitude. Situation inadmissible, appel immédiat. Dans cette émission, pas de blabla inutile, on appelle et toutes les négociations ont lieu en direct. Il est 9h34, Hervé Pouchol, vous lancez l'appel, nous appelons la caisse donc qui doit lui payer sa retraite et derrière, un autre cas s'enchaînera au 3210. Tarifaire qui va suivre, appuyez sur dièse. Pendant que... Sonore, bon, on va écouter la dame quand même. Facturé, 6 centimes d'euros par minute, bien. Plus prix de l'appel. Ok. Et là, bonjour, bienvenue à l'assurance retraite. Ah, mais là, vous souhaitez des informations sur vos prélèvements sociaux, non. CSG, CRDS ? Rendez-vous sur www.l'assurance-retraite.fr dans l'espace assuré. D'accord. Vous souhaitez obtenir votre relevé de carrière pour faire le point sur vos trimestres ? Tapez 1. Non. Vous souhaitez obtenir votre attestation de paiement ? Connaître la date de votre prochain paiement ou le montant et les dates de vos trois derniers paiements, tapez 2. Voilà. Vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller retraite, tapez 3. Et composez le numéro de département de votre résidence. Si vous résidez à l'étranger, composez le code. C'est le 27 chez vous, Patricia ? Oui, oui, 27. On vient de taper le 27, bonjour. Elle est dans l'heure. Bienvenue à l'assurance. Alors, combien d'attentes ? Et auquel cas on aura la petite alerte, je rappelle chaque matin que lorsque vous entendez ceci, ça veut dire que quelqu'un est en ligne et nous le basculons tout de suite sur l'antenne. Elle a dit quoi, que c'était occupé ? Non, il faut attendre ? Ah bon ? C'est-à-dire que c'est occupé, mais il y a un petit peu d'attente. Ah, mais on attend, parfait. Donc, Patricia, ne vous inquiétez pas, votre dossier prioritaire, parce que je pense que vous en avez ras-le-bol de galérer avec aussi peu. Oui, c'est peu dire. Bon, c'est complètement fou qu'il n'y ait pas quelqu'un là-bas, parce qu'après tout, ils ont le droit de faire une enquête, mais que quelqu'un dise, madame, on va tout de suite là, on lance le branle-bas de combat, voir si c'est un faux, pas un faux, si c'est vrai, pas vrai, mais on vous laisse pas comme ça, et là, on laisse le temps passer. Oui, Sarah ? Non, les lignes étaient bien occupées, puisque ça vient de raccrocher, je viens de rappeler à l'instant. Allez, on essaie d'avoir cet organisme dans quelques instants, l'organisme en Normandie. Peut-être pouvez-vous trouver, je parle au reste de l'équipe, le siège à Paris, puisque là, c'est l'agence de Normandie. Oui, et il faudra faudra demander Jean-Yves Ivena, qui est le directeur. Ah, si on voilà. appelle Paris. On voilà. attend, on laisse une chance à la Normandie de bien vouloir nous rappeler, enfin en tout cas de décrocher, et après on appelle Paris. Ça c'est le premier cas, il est 9h36. D'autres cas vont arriver, beaucoup de fiches, mais aujourd'hui on va aussi pas mal faire le point sur les gros dossiers qui étaient bloqués. Et je vais vous donner tout de suite un exemple. Le cas de Richard. Richard, je vous rappelle, nous avait dit ceci. Cela fait plus d'un an et demi que j'attends qu'une compagnie des eaux m'indemnise de 3 200 €. Elle a été reconnue coupable d'une fuite dans ma cave et j'ai dû tout payer pour un pompage. Donc on rappelle Maître Felono, il y est pour rien. C'est plein d'eau. Ah bah non. Oui. Et on s'aperçoit après une expertise que c'est une canalisation extérieure de Veolia. Exactement. Donc c'est à elle non seulement de réparer la canalisation, mais de payer toutes les conséquences de cette fuite. Et elles sont chères. Un pompage de je ne sais plus combien de mètres cubes d'eau, c'est un peu plus de 3 000 €. On ne parle pas de rien quand même comme Alors, ça. Alors Sarah, est-ce que vous avez eu du nouveau de Veolia puisqu'on les a appelés hier? C'était un peu en suspens. Oui, une très bonne nouvelle, Julien. Alors Richard n'a pas pu être avec nous ce matin, malheureusement. Il avait un rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il a bien été appelé hier après-midi par une responsable. Ils ont fait le point sur le dossier et si tout va bien, Julien, on va retrouver notre auditeur la semaine prochaine dans la rubrique Affaires réglées. Donc, c'est bien parti. Bon, écoutez, ça, bravo. En tout cas, voyons, on continue à se battre l'après-midi. Richard va donc avoir son petit chéco hein, de 3 000 de combien ? C'est parce que le pompage... 3 210 €, Julien. Ça fait cher hein, pour pomper quand même. Enfin bon, ceci étant dit, il y avait beaucoup d'eau. Nous allons attaquer avec le cas d'Eliott. Eliott nous a appelé au 3210. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Mais la récompense des auditeurs, voici les cadeaux de Tonton Georges. Tonton Georges sur RTL est celui qui vient avec sa hotte pleine de cadeaux. Et aujourd'hui, Tonton Georges, comme RTL est partenaire de l'opération Tous au restaurant, le rendez-vous incontournable de la cuisine française, eh bien aujourd'hui vous gagnez, écoutez bien, un week-end gastronomique à l'occasion de l'opération Tous au restaurant dans un établissement bordelais. Mais ce n'est pas tout, puisque pour ce week-end, le transport vous sera offert. Donc week-end gourmand dans la région bordelaise. Bordeaux est devenue l'une des plus belles villes de France, pardonnez-moi de vous le dire. Non mais, en plus, il y a eu des enquêtes, vous savez, où maintenant, la majorité des Français veulent venir vivre à Bordeaux, parce que c'est vrai qu'il faut dire les choses, toute politique mise à part qu'Alain Juppé en a fait un bijou. Il faut dire également qu'il y a la proximité du bassin d'Arcachon, qu'il y a un climat qui est doux, donc tout le monde veut vivre là-bas. Donc vous répondez à la question suivante, 3210 déjà touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, et après vous choisissez une nouvelle fois entre 1 et 2. Quel est le nom du gâteau typiquement bordelais ? 1, le cannelé, ou 2, le sabat sud ? Le sabalé, pardon. Le cannelé ou le sabalé. Alors, tapez un quand même, je vous assure, ça sera mieux. Ou bien RTL au 74 900. Un week-end à Bordeaux gastronomique avec transport. Allez, à tout de suite pour savoir si la Carsat, ça voulait dire, on répond pas, nous répond en Normandie et on appellera le siège et on passera au cas numéro 2. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 €, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 € d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation ? Waouh ! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Une Yaris hybride ? T'as encore été augmenté ? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 € par mois. Une hybride à 159 € par mois ? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybrid est au prix exceptionnel de 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990€, bonus écologique 750€ déduit sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix, 599,75€ au lieu de 1189. Un canapé à moitié prix ? Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on y va aussi. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Oh, le nombre de fois, c'est marrant, j'ai entendu la pub là, pour les canapés d'angle Osana. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, moi, j'étais, j'allais à l'école chez les curés. Osana ! Mais c'était de... J'avais pas compris les canapés d'angle, moi, à l'époque. Si j'avais su, je m'y serais intéressé un petit peu plus. Dans une seconde, le cas d'Eliott, c'est un cas 3210. Il a appelé à peine à 9h. Il est déjà sur l'antenne, toujours en attente de la caisse de retraite. Hervé Pouchol, sur le cas numéro 1. Ah ben, moi, je voulais la CARSAT Normandie. Je me suis retrouvé en Bretagne. Donc, forcément, la dame m'a dit, moi, on est sur une plateforme, je peux pas vous passer la Normandie. On a l'impression. Donc, j'ai rappelé le standard. Qu'il fait du stand-up. Vous savez, on a l'impression que c'est un, quelqu'un qui fait des sketchs. Bah moi, j'appelle, tu vois, le gars. Il appelle la Bretagne. On lui dit que c'est la Normandie, au gars. Là, il va appeler en Provence. On va lui dire, mais non, connard. Allô. C'est la Normandie qu'on veut. Ah, il a quelqu'un. Voyez, on a bien fait de se moquer de lui. Vous avez. C'est quelle région là? Ils m'ont raccroché. Bah oui, évidemment, parce que si en plus vous appelez. Allez, on va se retrouver dans une seconde. En Bretagne, hein. Avec le cas d'Eliott. Bougez ce matin. RTL bouge et bouge avec vous. Les meilleures musiques sont sur RTL. Vous écoutez ceci. C'est fort de dire ceci quand on connaît pas le nom de la chanson. Ouais, c'est ma grippe, ça. Vous écoutez ceci. This Girl sur RTL. Je rappelle qu'il y a un premier cas qui a été lancé, un cas plutôt urgent, hein, puisque Patricia ne touche que 50% de sa retraite. Elle vivait 400 euros par mois et nous nous battons pour essayer d'avoir la CARSAT, mais c'est compliqué. Hein, CARSAT Normandie, où en est-on, Hervé ? Alors, c'est très compliqué parce que la CARSAT Bretagne répond, mais la CARSAT Normandie a fermé son standard ce matin. Ah oui. On n'a vraiment pas de chance. J'essaye de joindre le siège social. Ah ben, on y va pour le siège social et essayer d'avoir le secrétariat du président de la CARSAT parce que là, Patricia doit vraiment. En plus, on lui dit, madame, si ça se trouve, il vous manque pas d'annuités, vous nous avez envoyé des fausses fiches de paie que vous avez fabriquées sur Internet. C'est complètement fou. Allez, on y va pour la CARSAT. Hervé, de votre côté. Elliot, êtes-vous là ? Oui, je suis là. Bienvenue dans Bonjour. Le 9h30, 11h RTL. Elliot, vous nous appelez d'où ? De Perpignan. Elliot, 6 mai dernier, vous avez déposé un chèque de 420 euros sur votre compte. Oui. Néanmoins, peu de temps après, qu'est-ce que vous avez découvert ? Que le compte avait été clôturé ? Oui, c'est ça, parce que j'étais à découvert depuis un certain moment. Mais est-ce que le chèque que vous aviez déposé couvrait le découvert ? Non. Enfin, si, il pouvait, mais ça a été fait sans me prévenir. Alors, Elliot, je vais vous demander de me raconter le problème, parce que là, c'est une fiche qui vient d'arriver, je ne l'ai pas compris, moi. Quel est votre problème, exactement ? Alors, mon problème, c'est que j'ai déposé le chèque le 6 mai dernier. Oui. Ensuite, peu de temps après, j'ai appris que mon compte avait été clôturé. D'accord. Et que je retrouverais mon chèque d'ici 2 à 3 semaines. Ah, d'accord. Donc, vous n'appelez pas pour le compte clôturé, vous appelez parce que, du coup, le chèque n'est pas allé sur le compte a été clôturé, il est dans la nature. Voilà, j'ai toujours pas retrouvé ce chèque. Et ils ne savent pas, la banque l'a eu entre les mains. Voilà. Oh, mais histoire de fou, ça, maître Félonneau. Ben, c'est-à-dire que ce chèque, en fait, sa destination finale, ça va être d'absorber une partie du découvert ou tout le découvert. Je ne sais pas quel est le montant de votre découvert à l'époque. Est-ce que, oui, parce que Elliot, il va falloir. Est-ce que vous avez comblé le découvert au moment de la clôture ? Comment ? Est-ce que vous avez comblé le découvert au moment de la clôture ? Non. Voilà. Eh ben, eux, ils vont se servir avec. Ils vont pas. Oui, mais c'est pas ce que m'ont dit les agents de ma banque. Ah oui, mais Elliot, c'est pas ce que vous ont dit les agents. On va les appeler parce que vous savez, c'est très intéressant parce que là, ça va nous permettre d'apprendre des choses. Je n'ai pas la réponse, mais il serait logique si vous avez une ardoise que le chèque serve à combler l'ardoise quand même. Oui, Elliot. sauf que visiblement, le chèque a été déposé après que le compte ait été clôturé. Bah, donc oui, là, à ce moment-là, ils peuvent plus. C'est vrai que okay, Nathalie, mais enfin, nous, je suis désolé. On a toujours eu on a la loi, mais on a toujours une éthique aussi. À un moment donné, s'il laisse une ardoise à la banque et qu'il récupère le chèque, moi, ça ne me choque pas. Qui se disent, ben, monsieur, on ferme votre compte avec moins. À la louche, Elliot, il y avait combien de découverts ? Dans les 200 euros. Combien ? 200. Dans, 200 euros. Dans ce cas-là, ils lui doivent 200 euros. Voilà, exactement. C'est donc plutôt ça comme ça qu'il faut voir les choses. Découvert, bon. Alors, on y va, on appelle dans une seconde. Très intéressant ce dossier. Merci, Elliot. Vous n'hésitez pas. Vous choisissez l'émission qui règle vos problèmes. Bernard Sabat va pouvoir appeler pour Elliot la banque. Je suis prêt. Et on va voir ce qu'ils vont nous répondre sur cette histoire de découvert. Tous vos problèmes bancaires, c'est maintenant au 3210 en direct sur RTL. A tout de suite sur votre radio préférée RTL. Alors, t'as choisi ta montre ? Bah, je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Visia D GT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Pour rendre visite à ma mère, il me faut un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner les 13 550 865 euros. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues ? Avouez. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur des milliers de produits. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité terre de fenêtres. terre de fenêtre, le choix qui va de soi. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites-donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. En ce qui concerne la CARSAT, le cas de Patricia, nous aurions trouvé, Marie, le nom du directeur de la CARSAT Normandie. Oui, le directeur s'appelle monsieur Jean-Yves Yvenat. Alors si monsieur Yvenat peut avoir la gentillesse de nous rappeler sur le standard d'RTL, il serait le bienvenu. Et nous essayons toujours de trouver un interlocuteur, Hervé Pouchol, du côté de Paris. Mais on me dit qu'il n'y aurait peut-être pas de CARSAT à Paris. Alors moi j'ai le même nom que Marie, mais là pour l'instant sur Rouen, j'ai quelques difficultés à joindre le standard, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ça, mais j'espère bien. Essayez de le dire quand même avant 11h, ça serait bien. Maître Felonneau. Visiblement, c'est une caisse qui est organisée par région. Donc, il y a une présidence et un siège par région, et il n'y a pas de siège de Paris qui couvrirait toute la France. Ce devrait être, à mon avis, auprès du ministère des Relations Sociales et du Travail. Avant d'aller au ministère, on va quand même essayer d'avoir quelqu'un à la CARSAT. Pendant ce temps-là, nous basculons sur le cas d'Eliott. Eliott, je vous le rappelle, nous dit la chose suivante, cas intéressant, parce qu'on n'a jamais eu à traiter ce genre de problématique. Il a un chèque qu'il dépose à sa banque, mais entre-temps, je dis bien entre-temps, sa banque a clôturé son compte parce qu'il est à découvert. Maintenant, il dit, ok, bon, mon compte est fermé, que devient ce chèque ? Alors, nous, on se demande, est-ce que la banque l'a pris pour combler le solde. Il nous dit oui, mais de toute façon, il resterait de l'argent puisque j'avais un découvert de 200 et j'ai donné un chèque de 420. Alors, où est ce chèque ? Il ne le sait pas. Il veut le savoir. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Nous appelons la banque. Merci, Bernard Sabat, de bien vouloir faire ça pour notre auditeur. C'est parti, Julien. Allez, on va dans le sud. J'espère qu'on tombe sur une agence locale et pas sur... une plateforme, peut-être. Eugénie, Ben de Paris, bonjour. Bonjour. Julien Courbet, l'appareil, monsieur. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Non. Bon, je vous explique. J'ai un auditeur qui était client chez vous et il nous pose une colle auquel je ne sais pas répondre. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors déjà, quel était le nom de l'agence, Eliott ? BNP Paribas. Oui, mais le excusez-moi. Non, Castellane. Là, je suis au bon endroit, monsieur ? Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, monsieur s'appelle Eliott Span, il avait un compte chez vous, et vous avez clôturé ce compte parce qu'il était à découvert. Ça, c'est normal, rien à dire. Mais après, il a reçu un chèque qu'il vous a envoyé, ne sachant pas que son compte était à découvert, de 420 euros. Et la question est, que devient ce chèque ? Est-ce qu'il lui est restitué ? Est-ce que vous l'utilisez pour combler le découvert ? Et s'il y a plus que le découvert, est-ce que vous lui rendez la monnaie, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors oui, vous êtes monsieur, vous alors, moi je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL, nous sommes en direct. D'accord. Et j'ai un auditeur qui est votre client, qui oui. est monsieur... Oui, alors juste une petite seconde. D'accord, je vous patientez. Et je vous en prie. Voilà, je pense me passer quelqu'un qui est habilité à parler, parce que, oui. Si, moi je suis sûr que si. Il y a maintenant des notes de service qui passent, c'est normal dans les grandes sociétés. Si le grand bonnet de la radio vous appelle... Je pourrais vous rappeler s'il vous plaît. Ah voilà. Vous pouvez me donner votre numéro. C'est hein. bien ce que je pensais. Alors on va appeler le siège, monsieur. Non, parce que vous savez, d'accord. je sais comment ça se passe. Donc personne à Perpignan ne veut nous parler sur ce problème ? Bien sûr que si. Non, c'est juste que là, il y a du monde à l'accueil. Je pourrais juste vous rappeler plus tard. Mais vous pouvez pas me passer le directeur ? Justement, il y a du monde, il est occupé. Ah, il y a du monde, il est occupé. Eh ben, je vais le rappeler. Dans combien de temps, à peu près ? Bien sûr. D'ici 5 minutes, s'il vous plaît. Vous voulez pas que je patiente et vous me le passez dès que vous voyez que le bureau se libère ? Oui. Allez, super, vous êtes très sympa, monsieur. Merci beaucoup. Attendez. Ah, ben voilà. Il est là. Il va passer. Mais non, mais attendez, ça, je comprends tout à fait. Il a un client, il va pas prendre le téléphone à chaque fois qu'on l'appelle. S'il a un client en face de lui, le client se plaindrait. Priorité à la vente. Alors, je pense que nous allons peut-être l'avoir. Sinon, effectivement, nous avons un plan B, c'est d'appeler la direction. Est-ce que quelqu'un à la BNP est là ? Allô ? Oui, une petite minute, oui, je vous transmets. Il n'y a pas de souci. Juste, en ce qui concerne la CARSAT, donc je rappelle, c'est le cas numéro 1 que nous attendons que quelqu'un nous rappelle là-bas pour Patricia. 400 euros de retraite par mois, la moitié de ce qu'elle devrait avoir, puisque des fiches de paie n'ont pas été comptabilisées. Eliott, c'est en cours, on va peut-être, le temps que le directeur arrive, vous me faites l'alerte, Bernard, passer encore une fois à un cas qui a été résolu dans l'après-midi, ou en tout cas qui avance. Je pense par exemple à Guy. Guy, c'est le cas, rappelez-vous de ce que nous avait dit Guy, c'est le gros cas ça. Hein. Je suis entrepreneur, une société d'ingénierie m'a fait travailler. J'ai réalisé pour elle une mission d'économie de chantier, mais depuis j'ai les impayés et j'en ai pour 4770 euros. Alors je ne sais pas si Guy est en ligne avec nous. Guy, non, il est là, bonjour Guy. Ça va ? Oui, bonjour. Oui. Ouais, alors Guy, c'est la 3 ou 4e fois, on va finir par se tutoyer, hein, que vous êtes sur l'antenne. Bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. On rappelle, Maître Félonneau, que Guy, il a bossé pour une boîte et il n'est pas payé. Une très grosse boîte. La boîte lui a payé 3 factures au moyen d'une lettre de change qui n'a jamais pu être encaissée. On se demande pourquoi. Et il y a une 4e facture qui devait être payée au début du mois de septembre. Elle aussi est en rade, on se demande pourquoi. Alors, Sarah, où en est-on, puisque ce monsieur Badawi vous a dit, on va vous rappeler, des avocats vous avez appelé en vous disant, vous inquiétez pas, mais aujourd'hui, toujours rien. Toujours rien, Julien, c'est le silence radio. J'ai essayé à nouveau de le rappeler hier, je lui ai laissé un message sur son répondeur pour lui faire les différentes propositions que je vous avais fait hier à l'antenne. Et, attendez, j'attends toujours. Bon, eh bien, nous allons l'appeler. Donc, vous savez très bien faire le suspense. C'est à la limite de l'acteur studio, là, ce que vous avez fait là. Je vous avouerai franchement, je suis réalisateur. J'écoute la radio ce matin. Je vous prends pour un film Spielberg, à suspense. S'il vous plaît. Vous voulez savoir qui est le meurtrier ? Eh ben, on ne sait pas. Voilà. Le film finirait comme ça. Nous allons appeler une nouvelle fois et reprendre ce cas sur l'antenne d'RTL, car nous ne lâchons rien. Nous avons donc 3 cas et ça continue au 3210, si vous appelez maintenant en direct ou sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. À tout de suite sur votre radio préférée. La seule qui règle les problèmes des auditeurs chaque matin entre 9h30 et 11h. C'est vrai qu'on s'amuse, mais c'est vrai qu'on est efficace aussi. Alors parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre dans la grande communauté des auditeurs du 9h30, 11h. Tu sais que le salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris-Le Bourget, c'est à partir du 24 septembre. Bah oui, le salon des véhicules de loisirs, j'y vais presque chaque année. Ah bah je te comprends, c'est là que t'as le meilleur choix. C'est le plus grand salon en France de camping-cars, caravanes et mobilhomes. Je sais, il y a plus de 1000 modèles exposés. Comme ça, tu peux vraiment bien t'informer avant d'acheter, et ça, c'est important. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobilhomes au salon des véhicules de loisirs de Paris-Le Bourget. À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Meurtre ou tragique accident, qui est vraiment responsable du drame? L'amitié entre trois mères, entre trois femmes, va voler en éclats, libérant petits secrets de famille et grands mensonges. Après le triomphe du secret du mari, découvrez Petits secrets et grands mensonges, le nouveau livre phénomène de Liane Moriarty, un roman Albin Michel. Léna va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes, puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. Léna ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135€ par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 1 800€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bernard Sabat, que se passe-t-il ? Écoutez, j'ai des informations importantes, mais ça sera juste après le journal, parce qu'on m'a parlé d'un certain Vidocq. Il faut interroger Vidocq. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais vous parlez de quel dossier ? Ouais, pour le dossier de Elliott et son problème de banque avec la BNP. Il faut parler à Vidocq. À Vidocq. Vous allez voir, je vous en ai rencontré. Alors, ça tombe mal parce qu'on avait en ligne l'homme du Picardie, donc on s'est trompé. On appelle Vidocq. On est dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Maigret, Vidocq, ils seront tous là pour régler les problèmes. Oh, ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Vous êtes sur la première radio de France, mesdames et messieurs. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le procès de la rixe de Cisco va bien se tenir en Corse, à Bastia. Le procureur général rejette la demande de dépaysement. La première audience s'ouvrira donc comme prévu à 15h cet après-midi. 5 hommes seront jugés pour violence en réunion. 3 frères d'une famille marocaine et 2 habitants de Cisco. La violente bagarre sur la plage remonte au 13 août dernier. Les villageois reprochaient à la famille marocaine de vouloir privatiser la plage et ça a tourné à l'affrontement. Et puis le lendemain, il y avait eu une manifestation à Bastia émaillée d'insultes racistes. L'auteur des coups de fil anonymes qui avaient entraîné l'évacuation de deux lycées en Gironde le 5 septembre a été interpellé. Information que nous communique Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Pas de précision pour l'instant sur l'identité du suspect ni sur ses motivations. Les coups de fil évoquaient une intrusion dans un lycée de Gujan-Mestras et la présence d'une bombe dans un établissement de Bordeaux. Les gendarmes avaient été mobilisés en grand nombre et les élèves avaient dû être mis en sécurité. Dans l'actualité du jour, il y a la dernière mobilisation dans la rue pour réclamer l'abrogation de la loi travail. Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires organisent des manifestations dans toute la France, dans 110 villes. Des appels à la grève ont été lancés dans la fonction publique, à la Poste, chez Air France, chez France Télévisions. En revanche, à la SNCF et à la RATP, le trafic est normal. Une bonne nouvelle pour EDF. Le gouvernement britannique a donné son accord à la construction de la centrale nucléaire Hinkley Point C, un projet controversé porté par EDF et qui se faisait attendre. Le secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirug est satisfait ce matin. Cela affirme, dit-il, l'excellence française et son savoir-faire dans la filière nucléaire en pleine refondation. Après les poules en batterie et les abattoirs, ce sont les souffrances des lapins angora d'élevage qui sont dénoncées dans un film mis en ligne ce matin. « Nous ne voulons pas désigner un élevage plutôt qu'un autre », dit l'association de défense des animaux One Voice. « Nous voulons, dit-elle, dénoncer un système dans son ensemble et obtenir l'interdiction de l'élevage et du commerce de l'angora ». La bourse de Paris a ouvert en baisse de 0,30% ce matin et cette tendance se confirme alors qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4353 points. Il n'y a plus de vigilance orange météo ce matin. Les risques d'orages violents se sont éloignés. Environ 7000 foyers restent privés d'électricité dans le sud-ouest. Le retour à la normale est prévu pour le début d'après-midi. La météo du jour, c'est du temps nuageux et des averses sur une grande partie du pays. Alors dans le nord, ça n'arrivera qu'en fin de journée. Vous allez donc garder du soleil d'ici là. Dans le sud, retour des éclaircies cet après-midi. C'est dans le nord et l'est qu'il fera le plus chaud avant l'arrivée de la pluie. 28 degrés prévus à Lille cet après-midi, 26 à Strasbourg. Sur les autres régions, ça baisse avec les averses. 19 annoncés sur Brest, 22 à Paris, à Toulouse, à Rouen, à Bordeaux, 24 à Lyon et Marseille. Une 15e médaille pour la France aux Jeux paralympiques de Rio. Le fleurettiste Maxime Vallet, qui concourt en fauteuil roulant, a remporté le bronze. Les courses à Auteuil cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer l'As, le 3, le 8, le 6, le 2, le 4, le 12 et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, Max do Brasil. Il est 10h03, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci Marie, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour d'autres infos. Mon Dieu, qu'elle bouge cette porte ouverte. Faisons le point depuis 9h30 et encore beaucoup de nouveautés arrivent. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Patricia nous a appelé, elle travaille dans un salon de coiffure. 43 ans, il lui manque deux années, 78, 79, 79, 80, ce qui correspond à beaucoup de trimestres. Elle a pourtant envoyé et prouvé qu'elle a travaillé durant cette période puisqu'elle était là avant et après et pendant. Eh bien, on lui dit, écoutez, madame, nous, on ne retrouve pas ces fiches de paie que vous nous avez envoyées. Et de toute façon, vous auriez très bien pu les fabriquer vous-même sur Internet. Et Patricia vit avec 400 euros. On a essayé d'appeler la CARSAT Normandie. Vous avez même appelé la CARSAT Bretagne, qui n'a rien à voir. Où en est-on avec la CARSAT? Ben, au bout d'un moment, j'ai envoyé un mail. Avant d'envoyer un pigeon voyageur, j'envoie toujours un petit mail. Bien sûr. Et je peux vous assurer que ça a fonctionné. Car je viens d'avoir l'une des dirigeantes de la CARSAT en ligne, qui est sur son portable. Il s'est occupé actuellement parce qu'ils sont en train d'organiser un très gros salon. Mais ils ne laissent pas tomber leurs assurés. J'ai envoyé le dossier à cette dame, qui est quand même la directrice adjointe, et qui m'a promis de me rappeler d'ici 25 minutes. Donc d'ici 25 minutes, on laissera la parole à cette dame donc qui il sera va s'occuper de notre auditrice. Aux alentours de 10h30. Ouais. Je ne sais pas si Patricia est en ligne. Patricia, vous avez entendu ? Oui, oui. Voilà, on a réussi à atteindre une directrice, donc on avance, on ne vous lâche pas, Patricia, soyez confiante, RTL va vous aider jusqu'au bout, d'accord ? Merci beaucoup. Merci Patricia, restez près du téléphone. Maître Fellonneau. Moi, je ne critique pas une caisse de retraite qui cherche à vérifier le nombre de trimestres pour savoir la pension qu'elle doit verser, parce que si elle fait n'importe quoi, c'est au préjudice de tous les gens qui ont cotisé et qui perdront finalement leurs droits seront diminués. Mais ils peuvent vérifier, parce qu'un employeur, il cotise à une caisse, lui, à l'URSSAF, et donc il donne les bases de calcul et les fiches de paye. Donc s'ils veulent les retrouver, eux, ils peuvent. C'est pas à Patricia, avec son peu de moyens d'investigation, qu'il appartient de faire une enquête pour prouver son bon droit, alors qu'elle remet les documents adéquats. Elliot, c'était notre deuxième cas. Elliot nous dit, j'ai envoyé un chèque de 420 euros. Je l'ai déposé à la banque. Or, on m'a appris que mon compte avait été clôturé parce que c'est vrai, j'étais à découvert. Donc aujourd'hui, je veux juste savoir que va devenir ce chèque. Est-ce qu'ils vont l'encaisser pour combler le découvert et me rendre ce qu'il y avait en plus? Vous avez appelé Bernard Sabat, enfin j'ai appelé, puis vous avez ensuite eu quelqu'un qui vous a dit, il faut consulter Vidoc. Oui, exactement. Alors, expliquez-nous. Alors Vidoc, c'est tout simplement un logiciel qui permet de savoir où on a déposé le chèque et où est-il vraiment. Donc là, au moins, on sait que ce chèque n'a pas été déposé à Montpellier, en point original. Alors, on va poser la question à Elliot. Elliot, vous habitiez, oui, je le rappelle, à Perpignan, c'est bien ça? Non, oui. À l'époque, vous habitiez où? À l'époque, j'habitais à Montpellier. C'est pour ça que j'ai ouvert ce compte là-bas. D'accord. Et alors, quand vous avez déposé le chèque, vous l'avez déposé où? Je l'ai déposé à Canet, en fait, parce que je travaillais du côté, voilà, de Canet. Voilà. Donc, vous n'avez pas déposé dans votre agence. Mais bon, entre-temps, ouais, vous avez appris qu'il avait été clôturé, suite. Et deuxième point qui est important, c'est qu'entre-temps, il a déménagé. Donc, ce courrier, peut-être qu'il ne l'a pas reçu de la fermeture du compte. Ceci pouvant expliquer cela d'après la banquière. Est-ce que vous avez fait suivre votre courrier? Et non. Eh voilà, bah alors là, effectivement, Elliot, si vous ne faites pas suivre votre courrier, si ça se trouve, ils vous ont répondu en vous disant le chèque est revenu. Voilà. Est-ce qu'il... Alors, la solution. Je ne sais pas si elle l'a envoyé ou pas. Alors, le BNP dit la chose suivante, appelez l'agence de Canet, parce que c'est eux qui ont récépissé ça, évidemment, ou reçu, je ne sais pas comment on dit. Qui ont récépissé. Le récépissé. Ah, qui ont... j'avais compris, c'est la banque qui a récépissé. Qui a réceptionné. Oui, qui a réceptionné. Le récépissé. Oui, ok. Bon, j'avais... Donc, voilà, donc on aura les infos quand? Bah écoutez, c'est à nous maintenant d'appeler la banque de Canet. Faites-le, appelez la banque de Canet pour savoir ce qu'ils ont fait de ce chèque, s'il vous plaît, Bernard. Okay, ça va essayer de me donner l'info dans une seconde, vous me ferez la petite alerte. Nous avons ensuite décidé de revenir sur le cas de Guy. Guy, je vous le rappelle, a travaillé, il a bossé, et la grosse, grosse, grosse société qui l'a embauché ne l'a toujours pas payé. Il faut qu'on avance dans ce dossier. Ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL, où vous pouvez gagner, je vous le rappelle, aujourd'hui, un week-end gastronomique à l'occasion de l'opération Tous au restaurant dans un superbe établissement bordelais. On vous paie également le transport, et vous allez vous régaler. Vous allez visiter la région bordelaise. Dîner exceptionnel au Gabriel. Une nuit à la Maison Bordeaux. Ce sont deux établissements exceptionnels à Bordeaux. Je confirme, le Gabriel et la Maison Bordeaux. Donc vous faites 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou bien SMS RTL au 74 900. Allez, on appelle pour Guy dans quelques instants. Passez une très belle journée sur votre radio RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Une femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Près de 9 sur 10 y ont été confrontées dans les transports en commun. Comment réagir face à ces comportements inacceptables? Tous les conseils cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Loto, loto, loto. Pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Mesdames et messieurs, l'appel est lancé. C'est parti. En ce qui concerne donc Guy, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on nous explique pourquoi il n'est pas payé. Je rappelle que l'impayé est de 4 770 euros, qui correspond à une première facture. Puis il y en a encore une autre de 1 060 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Nous avons appelé hier. Projet international, bonjour. Bonjour. Votre correspondant est momentanement indisponible. C'est le correspondant qui est indisponible. Si vous souhaitez prolonger l'attente, comme c'est regrettable. Étoile 1. si vous souhaitez prolonger l'interview. Tais-toi, allez rappeler sur une autre ligne. J'ose espérer quand même que ce n'est pas parce qu'ils nous ont entendus ce matin qu'ils ne nous répondent pas et parce qu'il y a beaucoup d'appels. Nous essayons donc maintenant le standard peut-être. Ah, ils ne vous répondent plus non plus, vous, Guy ? Ah non, du tout. Ah d'accord. Alors, Sarah ? Julien, j'ai un autre numéro qui est le numéro directement du standard. Allez-y. Je vous propose merci. De mais demandez Monsieur Baroud, Omar Baroud, qui est le PDG, le nouveau PDG. Omar Baroud ? Oui. D'accord. Vous me notez ça, Omar Baroud, nouveau PDG. Et alors, il est quoi, alors, Monsieur Ziad Badawi ? Oui, bonjour. Oui, OG International, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. C'est la radio RTL, nous sommes en direct. Est-ce que Monsieur Omar Baroud est là, s'il vous plaît ? OG International, bonjour. Oui, bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Monsieur Omar Baroud est là, s'il vous plaît ? Oui, je vais vous transférer tout de suite. C'est génial, merci mademoiselle, bonne journée. Merci, merci également. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une voix souriante comme ça, je vous le dis. Si on pouvait avoir ça tous les jours. Ah, mais oui, c'est vrai. Et par contre, je ne suis pas blonde et je ne mesure pas 1m75. Hein. Ah, mais c'est... Ah, Hervé Pouchol, je suis désolé. Vous aviez la dernière fois dit, la voix de cette dame, elle mesure 1m75, elle est blonde. Et ce n'est pas du tout le cas, vous êtes brune ? Oui, oui, je suis brune. Et vous mesurez ? 1m60. Voilà. Bah, j'étais pas loin. Ah, bah oui, dis donc. Merci mademoiselle, quel est votre prénom ? Marion. Je vous aime déjà, Marion. Ah. On y va. On essaie d'avoir M. Baroud. Allez, c'est parti. On va avoir M. Baroud dans une seconde. Il va nous expliquer comment il compte régler le problème. Et après, Guy, malheureusement, eh bien, il faudra lancer la procédure au tribunal de commerce. Hein, on est bien d'accord parce que c'est deux professionnels. Oui, exactement. C'est le tribunal spécialisé pour les professionnels. Bon, s'il n'est pas là, alors donc Ziad Badawi est en fait le directeur financier, M. Baroud est le patron. Ça sonne chez le patron, j'espère qu'il a une secrétaire, je ne sais pas. Oh, il y a une secrétaire, ce monsieur. OG International fait quoi ? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'elle fait, cette société ? Elle fait de l'ingénierie. De l'aide. Oui, vous êtes de retour à l'accueil. Oui, bonjour, je suis revenu à l'accueil. Eh oui. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de me trouver quelqu'un, Monsieur Badawi ? Oui, je vais essayer de vous trouver cette personne. Vous, j'ai Monsieur Jozo également. Oui, bon, je vais essayer de transférer à Monsieur Badawi. Allez, Monsieur Badawi, c'est parti. Oui, donc elle fait de l'ingénierie. Bon, mais c'est une énorme boîte, on le rappelle. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'il y en a payé. Et je redis, Guy, vous n'avez toujours pas reçu de lettre disant que vous aviez mal travaillé. Ils étaient très contents de votre travail. Absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne paye pas. C'est fou. Il y a l'argent, il y a un blocage. Il faut qu'on arrive à débloquer. Vous me faites la petite alerte, s'il vous plaît, dès que ou Monsieur Badawi ou le grand patron sont d'accord pour nous parler sur l'antenne d'RTL. Dans une seconde, encore une fiche qui arrive, au 32-10, celle de Bruno. Alors là, ça vient d'arriver, et je découvre le cas en même temps que vous, mais je vous annonce du très lourd. Car je ne sais pas si Bruno est en ligne avec nous. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Bruno, on va faire un petit tease. Bruno, donc vous êtes parti en vacances, et le retour, vous êtes parti au Costa Rica. Pour rentrer chez vous, vous habitez où ? On habite dans le nord de la France, à Arras. D'accord, Arras, et pour rentrer chez vous, combien de continents avez-vous traversé ? On a traversé trois continents. Trois continents ? Et on combien de temps ? Quatre jours au lieu d'une journée. Voilà, il devait rentrer en une journée, il a mis quatre jours, et du coup, en fait, on n'est pas là pour accabler la société, mais pour leur dire bravo, parce que pour un aller, il s'est payé un tour du monde. Bon, par contre, il n'a pas vu grand-chose, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il n'est pas beaucoup descendu. Une histoire de fou à suivre sur l'antenne d'RTL. Non, mais parce que j'étais en train, cette fois-ci, de dire « Et maintenant, on écoute ça, je voulais au moins donner, cette fois-ci, le nom du groupe. » Et je l'ai. C'est LP, Lost on You. Vous vous rappelez de Solo Tu ? Oui, est arménien, c'est ça. Solo Tu est arménien. Il a voulu parler, c'est n'importe quoi. On va remettre au début. Bon, vous me retrouverez la version originale de Solo Tu parce qu'il a voulu chanter la version originale, Bernard, qui est de l'italien. Et comme il ne connaît pas les paroles, la première chose qui lui est venue, c'est Solo Tu. Mattia Bazar, effectivement. Est arménien. Mattia Bazar. Allez, on y va. Oui, c'est plus Bazar que Mathias ce matin, je vous le dis, moi, sur RTL. Mais on vous aime quand même, on est là et vous le savez, on est efficace. Ça téléphone de tous les côtés. LP, nouveauté, très bonne nouveauté, Lost on You. I'll never get to heaven 'cause I don't to love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. You. Alors c'est vrai que l'intro du disque, du titre que nous venons d'écouter rappelle le fameux Mattia Bazar avec Solo Tu que Bernard Sabat a voulu chanter, et vous allez voir que les paroles ne sont pas du tout les mêmes, hein. C'était ça. Alors que vous avez dit voilà, exactement. Allez, nous allons faire le tour du monde. Bruno devait rentrer du Costa Rica en une journée, ce qui me paraît logique, ça doit être 10, 12, je sais pas, heures de vol. Eh bien, ils l'ont fait passer par trois continents et le retour a duré 4 jours. Et je suppose qu'au niveau indemnisation, ça doit être la cata. Donc nous intervenons sur ce dossier après ceci dans le 9h30, 11h d'RTL. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. France 2. Du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien avec les émissions de l'après-midi. Mille et une vies et mille et une vies rêvées. Visite privée, Amanda, Actuality et n'oubliez pas les paroles. Du lundi au vendredi, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 1000 euros de mobilier et de décoration. Modalité en espace conseil et sur vérandarideau.com. Allez hop hop hop, tous chez Véranda Rideau. Lundi, j'aurai du sable dans le maillot. Quand vous serez tous au boulot. Si je gagne les 13 550 865 euros de l'anniversaire, loto. Voilà. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous allons attaquer ce cas voyage avec Bruno. Donc Bruno, racontez-nous, vous êtes parti avec votre épouse au Costa Rica en mars 2016. Vous partiez d'où exactement ? Donc on partait donc de Paris, on partait ensuite sur Madrid, et Madrid on allait au Costa Rica. Donc bon. Le voyage s'est très très bien déroulé. D'ailleurs je tenais à féliciter les vendeurs de Nouvelles Frontières d'Arras, parce qu'ils ont fait vraiment, ils ont donné de très bons conseils. Par contre, le retour, le dernier jour, on a eu un retour catastrophique, puisqu'on a mis effectivement 4 jours au lieu d'une journée. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On a enchaîné donc des pannes d'avion au Costa Rica, ce qui a occasionné des correspondances qu'on a loupées. Ensuite on a enchaîné des grèves dans les aéroports, des annulations du transporteur aérien. Et par où êtes-vous passé, Bruno, alors, au lieu de faire Costa Rica à Paris ? Le retour, donc, c'était Saint-Rosé, donc Costa Rica, donc à Madrid. De Madrid, on devait revenir sur Paris, mais ça n'a pas été possible à cause des différentes pannes d'avion et des correspondances loupées. On nous a proposé d'aller à Barcelone, ça n'a pas été. On est revenu à Madrid. De là, on est passé à Casablanca. Donc, on a repris un avion à Casablanca pour avoir un retour avec un autre transporteur sur Paris. Donc vous avez fait en fait Amérique du Sud, Madrid, ça fait deux continents. Madrid, effectivement, Casablanca, 3. Pour après, Paris, tout ça a mis 4 jours. Et c'est vous qui avez payé les hôtels? Comment vous faisiez? Non, non. Alors ça a été pris en charge, en fait, par Iberia, au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. Bon, sans compter quand même qu'au niveau de l'hôtellerie, on a eu des pannes d'électricité dans la nuit, on a dû changer de chambre, on a eu des pannes de téléphone, donc on n'a pas pu... Ne seriez-vous pas un peu Monsieur Schkoumoun, Bruno? Non, c'est effectivement, c'est un vrai sketch, hein, mais on a eu même une inondation du restaurant. Bon, inondation du restaurant? D'un des hôtels, oui. Donc, mais par contre, effectivement, ça a été pris en charge par Iberia. Bon, alors aujourd'hui, que souhaitez-vous, Bruno? Dites-nous-le, s'il vous plaît. Dites-le-nous, pardon. Moi, dans l'idéal, je souhaiterais donc le remboursement du vol retour pour les deux personnes, pour moi et mon épouse. Voilà, c'est ce que je souhaiterais avoir. Bon, alors maintenant, on va voir ce qui se fait. Ou alors quoi, hein? Ou alors faire valoir, il me semble, dans le règlement européen, un montant de 600 euros par personne. Bien. Voilà. Bruno, on va demander au spécialiste voyage Bernard Sabat ce que vous pouvez avoir et ensuite nous appellerons. Sachant que, Bernard, est-ce qu'il peut se faire rétorquer qu'il y a eu des conditions, comment appelez-vous ça, imprévisibles? Oui, c'est ce qu'on appelle le cas de force majeure. Maître Fellonneau pourra le confirmer. À chaque fois. Imprévisible, je veux bien, mais pas pendant 4 jours. Je veux bien qu'on ait la malchance, mais voilà. Puis les pannes, c'est pas un cas de force majeure. Exactement. Donc, alors il a le droit à quoi? Il a le droit, en fait, compte, en vérité, aux 600 euros par personne. Ça, c'est la loi. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que son meilleur ambassadeur, qu'il félicite, en l'occurrence Nouvelle Frontière, doit être son partenaire. Pourquoi? Parce qu'il a acheté un forfait, Julien, on le dit souvent. Celui qui remboursera, ça sera Nouvelle Frontière. Oui, après, elle se débrouille auprès d'Iberia, mais ce n'est pas le problème. Le chèque, c'est Nouvelle Frontière qui doit le faire. Et donc, parce qu'on est dans un forfait. Et donc, dans ces cas-là, il lui rembourse 600 euros, pas plus. 600 euros par passager, c'est la loi. Et après, ils vont attaquer la compagnie pour obtenir le dédommagement en conséquence. Quand vous appelez Nouvelle Frontière, que vous disent-ils, Bruno? Bah, ils m'ont fortement aidé donc depuis le mois de mars dans Non mais Bruno, parlons cash. Est-ce qu'ils vous disent c'est à nous de payer? Bah, en fait, là, aujourd'hui, le dossier, il est, pour eux, il est clos. Ah, c'est terminé, ils ne vous doivent rien. Nouvelle Frontière, en fait, me dit que c'est un mois, en fait, Voilà, c'est dommage qu'ils vous disent ça. Voilà, là, c'est dommage qu'ils vous disent ça, parce que c'est une agence de voyage, c'est simplement pour ça qu'on va dans les agences de voyage. Sinon, on ferait nous-mêmes, on organiserait nous-mêmes nos voyages, en appelant d'abord la compagnie, puis réservant nos hôtels. Si on passe par une agence, c'est pour avoir une valeur ajoutée. Et quand on prend un forfait, c'est à elle de payer. Et ça, c'est dommage qu'il ne vous l'ait pas dit. Mais je pense que vous avez dit l'essentiel, Julien. Je pense que Nouvelle Frontière ne peut pas se substituer justement à ce problème-là. Ils doivent aider leurs clients et surtout faire les démarches pour lui et ne pas lâcher le dossier. Et à quelle agence avez-vous commandé le voyage? Nouvelle Frontière d'Arras. D'Arras? Ah, parce que moi, c'est au 0321, c'est ça? C'est ça, oui. Sur ma fiche, ils ont mal compris, je pense, au standard. Ils m'ont mis Nouvelle Frontière Reims. Je me suis dit, être à Arras et aller prendre une agence Nouvelle Frontière à Reims, c'est vraiment avoir l'esprit tordu. Alors, on appelle cette première agence, s'il vous plaît, Sarah. L'agence de Nouvelle Frontière me dit qu'il y a une jurisprudence Thomas Cook. Oui, on va voir, vous inquiétez pas, on va les appeler sur les jurisprudences Thomas Cook, mais après, je pense que si vous allez devant un tribunal, la jurisprudence Thomas Cook, on va voir ce qu'ils nous disent. Mais c'est pas normal. Ah non. Parce que la jurisprudence, dans ces cas-là, si là, on ne vous donne pas les 600 euros, on les donne quand? Nous appelons donc Nouvelle Frontière à Arras. Où ça sonne dans le vide, nous préparons donc... Le siège, hein. Le siège. Et la compagnie aérienne, ça ne servira à rien de les appeler, hein, puisqu'encore une fois, vous avez eu l'intelligence de prendre un forfait, ce que nous rappelons à longueur de temps sur cette antenne, ce qui vous permet de demander le remboursement... à l'agence. Alors, Bernard, vous récupérez l'appel Nouvelle Frontière, car priorité à l'alerte. Sur quel cas, s'il vous plaît, voulez-vous intervenir, Hervé Pouchol? Eh bien, nous allons revenir sur le cas de Patricia, qui a des problèmes avec sa caisse de retraite. Oui. Vous avez promis un responsable. Eh bien, j'ai carrément au-dessus du responsable. J'ai la directrice adjointe qui s'occupe de la retraite, des carrières, déclaration, Béatrice Belvallée. Elle est en ligne. Je vous la passe. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL, Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL au moment où je vous parle. Et voilà, je voulais avoir votre position sur le cas de Patricia qui manque beaucoup de trimestres, 78, 79, 79, 80. Vous l'aurez envoyé ses fiches de paie, on lui aurait répondu, mais qui nous prouve qu'elles sont vraies? Et aujourd'hui, elle vit avec 400 euros par mois. Je vous écoute. Bonjour, Monsieur Courbet. Donc effectivement, j'ai pu regarder la situation de Madame Tolio et tiens absolument à la rassurer, à lui dire qu'on est en train d'examiner cette période un petit peu litigieuse sur les bulletins de salaire qu'elle nous a transmis, qu'on va lui donner rapidement une réponse et qu'on a déjà procédé à un premier paiement. le 7 septembre, on a mis en paiement un premier paiement de sa retraite, ce qu'on appelle une liquidation provisoire, puisque les éléments définitifs n'étant pas enregistrés, on procède, pour pas que la personne reste sans ressources, à un premier versement. Est-ce que vous l'avez eu, ce premier versement, Patricia ? Oui, hier. Ah, hier, oui, hier. Bah, ça, vous ne l'avez pas dit, ça, je ne pouvais pas le deviner, mais ça correspondait à quoi pour vous, ce que vous avez touché hier, Patricia ? À 5 mois de versement. D'accord, mais vous aviez peur que ça s'arrête là, en fait. Non, mais j'avais un versement de 2 200 € qui correspond à 5 mois, c'est-à-dire 461 € mensuels. D'accord. Mais comme on a expliqué, parce qu'on l'a reçu, Mme Thiolo, hein, on l'a eu au téléphone, Mme Thiolo, on a bien suivi le dossier, on lui a expliqué qu'on procédait là à un paiement provisoire et qu'après examen des justificatifs qu'elle a fournis, on a effectivement bien reçu tous les justificatifs, on va vérifier et on va regarder si on peut valider ces périodes et lui verser un paiement définitif. Alors, oui, très bien. Parce que j'ai travaillé dans cette rentrée. Depuis 77 jusqu'en 83. Mais elle a tout, oui. Hein, ne vous inquiétez pas, Patricia. Madame a tout, ils sont en train de vérifier. Combien de temps vous pensez va durer la vérification pour la CARSAT ? On va faire ça rapidement. Ce que je propose, c'est qu'on se mette en rapport avec Mme Thiolo cet après-midi. Très bien. Et puis qu'on la reçoive et qu'on puisse lui donner les éléments et toutes les garanties c'est parfait. Sur les délais. Bon, vous avez entendu, Patricia ? Oui, d'accord. Allez, c'est une affaire qui roule, car la CARSAT, là, vous avez une interlocutrice en or qui va vous régler tout ceci en 2 coups de cuillère à peau. Merci beaucoup, madame, d'avoir pris le temps de nous parler en direct sur RTL. Merci, la CARSAT. Je vous en prie. Patricia, merci, vous me donnez des nouvelles. Sarah va se permettre de vous rappeler et vous nous dites ce qui s'est passé. On va se dire semaine prochaine. Pas de problème. Allez, on fait comme ça, c'est super. Eh bien, bravo Hervé, parce qu'il a galéré pour avoir un interlocuteur. Il a finalement réussi. C'est bien joué. Et une deuxième alerte. Nous entrons dans le Money Time, mesdames et messieurs. Le Money Time, c'est en général la dernière demi-heure ou les 20 dernières minutes où ça part dans tous les sens. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Je marque une pause, mais vous voulez nous parler de quoi, Bernard ? Sur le cas de Bruno, Nouvelle Frontière et son voyage catastrophique avec Iberia. Malheureusement, l'agence d'Arras sonnait dans le vide. Et malheureusement, là, ça a raccroché, donc je vais appeler le siège. Ah, sonnez, qu'un au revoir. Car vous allez avoir quelqu'un dans quelques instants sur RTL. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh, la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. W9 présente l'UEFA Europa League en exclusivité, en clair et en direct. Retrouvez le premier match de poule Nice-Schalke 04 ce soir à 20h55, suivi de 100% foot présenté par Karine Galli avec les analyses et commentaires d'invités passionnés de football. L'UEFA Europa League, commenté par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri, en clair et en direct à la télévision, c'est uniquement sur W9. Bon, alors tu veux quoi comme cadeau ? Je sais pas, soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2 000 € d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui ! Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous ! Hors ampoule, interrupteur, accessoires et colle, hors commande et promotion en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, reprenons nos dossiers avec vous, Bernard. Bernard, vous étiez donc sur Nouvelle Frontière pour le cas de cet auditeur qui nous dit qu'il a mis 4 jours à rentrer là où il aurait dû mettre une seule journée en passant, et c'est l'anecdote, par 3 continents, et qu'il voudrait son indemnisation qui est de 600 €. Parce que lui disait, moi j'aimerais bien qu'on me rembourse le billet, malheureusement la législation estime qu'il faut payer 600 € dans ces cas-là par passager, mais Nouvelle Frontière, qui devrait le rembourser, semble le dire, il y a une jurisprudence, pour nous le dossier s'arrête là. Oui, on en est là pour l'instant. l'instant. Donc j'essaie d'appeler le siège en parallèle puisque l'agence d'Arras, donc de Nouvelles Frontières, ne répond pas pour l'instant. Nous sommes dans le Money Time. Je vous rappelle que ça bouge de tous les côtés. Nous avons réglé le problème de la caisse de retraite, mais d'autres cas arrivent et surtout d'autres suivis. Car je tiens vraiment à vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Nous allons dans quelques instants vous donner des nouvelles une nouvelle fois de Guy, puisque Guy, je rappelle, c'est son impayé. On a téléphoné tout à l'heure à OG International où il y a une super assistante qui a essayé de nous passer le grand patron, mais il ne répondait pas. Elle a essayé d'avoir Ziyad Badawi. Alors, où en sommes-nous maintenant sur ce dossier ? Sarah, est-ce que vous avez quelqu'un chez OG International ? Alors, ils doivent me rappeler, ça c'est une promesse qu'ils viennent de me faire. En revanche, alors deux choses. Premièrement, je tenais à vous dire qu'on comprend mieux la situation de cette société. Hier, j'ai eu en off, Julien, un ancien dirigeant de la société qui m'a expliqué qu'une autre plus grosse société devait de l'argent à OG International. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, apparemment, ils auraient givré donc les comptes. Et nous avons à l'antenne Joël, dont le mari travaille dans cette société, qui souhaiterait témoigner. Sûr. Elle va garder l'anonymat. Joël a son époux qui travaille là-bas. Et la situation de la société est laquelle, madame ? Oui, bonjour Julien. Bonjour, bonjour et merci de nous appeler de participer sur RTL. Je vous écoute. Oui, parce que je pensais que le cas aurait été solutionné beaucoup plus rapidement. Au fin août, ils ont décidé de déposer une procédure de sauvegarde parce que Saoudi OG ne les paye plus et ils ont des dettes et ils n'y arrivent plus. Et on a réussi à avoir le document qui dit que ils vont quand même arriver à payer les salaires du mois de août. Oui. Mais après, on ne sait pas. D'accord. Et là, c'est même pas des salaires. Là, c'est des prestataires, donc ils ne sont pas prioritaires. Je suppose que le peu d'argent va servir aux salariés, mais c'est vrai que les prestataires. Alors, ça mène à quoi cette fameuse procédure, Maître Félonneau ? La procédure de sauvegarde, effectivement, c'est quand on est dans une situation, on est au bord du dépôt de bilan, effectivement. Ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on est sous cette procédure-là, en principe, on n'a pas le droit de faire d'impayé. Alors, il faut regarder, effectivement, moi je ne connais pas ce jugement et je ne l'ai pas vu apparaître. Donc, je vais regarder si la créance de notre ami est antérieure ou postérieure à ce jugement, parce que là, ça sera différent. C'est important que les gens d'OG nous parlent, parce que là, c'est des choses graves qui sont en train d'être énoncées sur l'antenne d'RTL. Donc, merci OG International de nous dire où en est la société, parce que dans ces cas-là, c'est vrai que Guy n'appellera plus, il ira faire valoir sa créance, mais ça sert à rien de faire croire qu'on va payer si la société est sur le point de déposer le bilan ou pas. C'est des informations qu'il faudrait nous confirmer. Donc, je vous en prie, Monsieur Badawi, j'ai oublié le nom du grand patron. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais vous avez dû le noter. Omar Baroud. Voilà, il faut nous parler absolument pour nous dire à quoi doivent s'attendre maintenant les gens et les prestataires qui ont travaillé pour vous. Bien, maître, on reste... Merci en tout cas, madame, de nous avoir appelé. C'est super comme ça quand vous participez à l'émission et vous nous donnez des renseignements. Est-ce que Guy... Au cas où, je peux vous transmettre le document que j'ai où il y a les chiffres des dettes. Avec plaisir, ça serait top. Merci beaucoup, Sarah. Vous prenez en antenne. Merci, c'est génial d'avoir des résultats comme ça. Bonne journée. Bon, Guy, vous avez entendu ? Oui, j'entends. Voilà, donc il va falloir maintenant attendre la confirmation, mais sinon j'ai bien peur qu'effectivement ça soit très dur d'avoir le remboursement sans qu'ils n'ont pas déposé le bilan. Ok, Guy ? Oui, tout à fait. Allez, on suit ça. Comment, moi, je ferai une action en justice. Mais bien sûr. Mais là, on va essayer d'avoir au moins la confirmation. Parmi une autre alerte, Bernard Sabat, c'est le Money Time. Je vous le rappelle, tout se joue maintenant dans les 25 dernières minutes. On revient sur Bruno, évidemment, son voyage avec Nouvelles Frontières et Iberia. 4 jours de retard avec 3 continents, enfin, le séjour catastrophe, entre guillemets. J'ai eu un dirigeant de l'entreprise qui est en convention en Sicile, qui m'a promis de reprendre le dossier cet après-midi. Et déjà, il a promis la chose, c'est de dire, on va prendre le cas et on va faire remonter l'information. Ce n'est pas normal qu'une agence bloque le dossier de cette façon. Ça, voilà c'est ce que super. Dit la direction. Alors, est-ce qu'il a entendu, Bruno ? Oui, parfait. Ouais. Voilà, Bruno, c'est la direction qui s'en occupe. J'aurai certainement pas la nouvelle ce matin, mais je l'aurai demain ou après-demain. Enfin, plutôt vendredi ou lundi, parce que je ne vais pas faire ouvrir l'antenne samedi pour juste un cas. Je ne suis pas sûr que Vincent Perrault, j'arrive en plein stop encore. Arrête tout ! Je viens d'avoir la nouvelle ! Stop ! Mais attends, mais c'est pas là ton émission, Julien, c'est du lundi au vendredi. Je m'en fous ! J'ai la nouvelle, je la donne maintenant. Bruno, donc on aura du nouveau très rapidement grâce à Nouvelles Frontières. Ça sera à suivre dans le feuilleton quotidien. Ok, c'est gentil à vous. Bonne journée, merci Bruno. Je rappelle le scoop de la journée. Nous l'avons appris ce matin. Le ministre de la Culture a décidé que maintenant, on pouvait se permettre de faire certaines liaisons, notamment sur les grandes radios. Écoutez. Je ne l'ai pas vu apparaître. Je me suis reprise immédiatement. Ah bon, oui. Vous avez vu comme je suis mauvais, parce que derrière, vous êtes reprise et on n'a pas pris la reprise. Ouais, on a pris... C'est ce qui s'appelle détourner. Voilà. C'est partisan. Vous lancez dans la chanson. C'est pour me ridiculiser. Le nouvel album, le nouveau titre, je ne l'ai pas vu apparaître. Et je ne l'ai pas vu vus apparaître. Ah, où que t'étais, je ne l'ai pas vus apparaître. Qu'est-ce que vous faisiez cet après-midi? Où qu'il est notre amour? Vous feriez un carton, oui. Maître Fénonneau, sur l'antenne d'RTL. C'est quand que t'es gentil avec moi? Exactement, tout le temps, qui aime bien châtie bien. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, vous écoutez le 9h30, 11h, le Money Time. Nous réglons vos problèmes ce matin dans la bonne humeur, c'est ça RTL. Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faut les 13 550 865 euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bon, alors, t'as choisi ta montre? Bah, je sais pas. Une montre mécanique, plus classique. Ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Mathieu Croissandeau, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine, l'Obs vous explique comment profiter de la reprise du marché immobilier. Retrouvez dans votre région tous nos conseils pour réaliser votre projet, comment louer, acheter, vendre ou investir au meilleur prix, comment profiter des taux de crédit records et comment y voir clair dans les dernières mesures fiscales. L'Obs, dès jeudi, chez votre marchand de journaux. Le mois Carrefour ! Waouh, regarde ! Il y a un nouveau deal du jour totalement renversant pendant le mois Carrefour ! Ah ouais ! Aujourd'hui, il y a 30% d'économies sur la carte Carrefour sur toutes les centrales vapeur présentes en magasin. Allez, c'est parti ! Puissance maximale ! Oh oh ! Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, profitez de 30% d'économies sur la carte Carrefour sur toutes les centrales vapeur présentes dans vos hypermarchés Carrefour. Voir modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Tous les cas vont continuer dans quelques instants. Soyez là, mais là, écoutons-nous, si vous le voulez bien, ce petit chef-d'œuvre. Les frérots de la Vega sont de retour avec le cœur éléphant sur RTL. Ça vous laisse le temps d'appeler au 3210. Un nouveau cas va arriver dans une seconde après ceci. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici. Contrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Cœur léger. pars en voyage, mon âme au vent, le cœur et les fonds. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Être vivant. Le cœur éléphant, les frérots de la Vega sont sur l'antenne d'RTL. Nouveau cas, 10h40 sur RTL. Isabelle arrive. Bonjour Isabelle. Bonjour Julien. Isabelle, vous nous avez appelé à quelle heure, s'il vous plaît? Je vous ai appelé à 9h36. À 9h36 et vous voilà 10h41 sur l'antenne d'RTL. Vous qui habitez à... Dans les Landes. Dans les Landes. Et oui, je me rappelle, pour le... on faisait un trajet, moi, on passait soit par Sabre, soit par Sors. Exactement. Avait, c'était l'un ou l'autre. Pas passer devant chez moi. Exactement, voilà. Si ça se trouve. Ouais. J'ai acheté, vous avez acheté un iPhone 4S sur un site le 21 avril 2016. Vous l'avez reçu début mai. Oui. Et le 18 mai, il a commencé à bugger. Alors, quel genre de bug? Il a commencé d'abord à ne plus charger. Donc, je me suis dit que c'était le chargeur. J'ai essayé avec un autre chargeur. Enfin, j'ai bidouillé plein de trucs. Et puis, finalement, il n'a plus chargé du tout, du tout, du tout. Voilà. Et sur instruction du site, vous l'avez renvoyé? Oui. Et au mois de mai, vous avez téléphoné 12 fois, c'est ça? 30 mai, 1er juin, 17 juin, 22 juin, 28 juin, 29 juin, 18 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 1er août, 5 septembre, 13 septembre. Elle a pris les dates par cœur, disons. Ça, c'est une auditrice modèle. Et vous avez dû racheter un téléphone. Et le site aujourd'hui, où en êtes-vous? Je suppose que vous voulez le remboursement. Ah ben, je veux le remboursement. Alors, on m'a amené en bateau en disant tous les 2-3 jours, vous aurez un mail, on va vous tenir au courant, on va vous le réparer. J'ai fini par dire au mois de juillet, écoutez, je veux pas qu'on me le répare, je veux qu'on me le rembourse. Là-dessus, on m'a dit le fournisseur qui va le réparer est en vacances jusqu'au 24 août. J'ai toujours dit je veux qu'on me rembourse. Là, j'ai toujours rien eu. La dernière fois, là, donc, l'avant-dernière fois, il y a 8 jours, la jeune femme m'a dit bon, mais ne vous inquiétez pas, je fais remonter le dossier et vous allez être remboursé. Sous 3 jours. J'ai rien eu. J'ai raté mardi. Elle me dit on a des petits problèmes. On met un petit peu longtemps à rembourser. Enfin bon, voilà. Allez, on y va, Isabelle, on va appeler. J'ai juste une question à poser à Maître Fellonneau et je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, elle avait besoin d'un autre téléphone, elle en a racheté un autre, mais est-ce qu'elle aurait dû attendre qu'il lui en propose un autre? Non, mais écoutez, elle a assez attendu. Je rappelle quand même que l'obligation légale de conformité impose 30 jours au vendeur pour mettre fin à un défaut. 30 jours, ils sont largement expirés. Au bout de 30 jours, il peut changer de téléphone et s'il ne veut pas l'échanger, eh bien, à ce moment-là, il le rembourse. Voilà. Et nous appelons tout de suite ce site. Maître Fellonneau, et n'oubliez jamais Isabelle. Oh, je ne l'ai pas vu apparaître. Voilà, vous n'avez pas vu apparaître ce numéro, ce téléphone. J'ai bien noté. Ça va, hein. Elle l'attend. Il ne faut pas s'y mettre non plus. Allez, c'est vous Hervé qui vous collez. Ah, oui. Alors faites-moi le numéro s'il vous plaît. Nous sommes sur un site dans le cadre de notre démarche qualité qui s'appelle Brandalley. Brandalley, pardon. Excusez-moi. C'est beaucoup moins poétique quand vous le prononcez. Oui, j'assume mes origines, moi, du sud-ouest. Brandalley. Et non, c'est Brandalley. Ils vendent que du matériel IFI comme ça, ou téléphonique, ou qu'est-ce qu'ils vendent? De tout. De tout. Il y a tout sur Brandalley. Ils sont assez sérieux, ils sont assez connus. Hein. Ah d'accord. Normalement, on devrait arriver à quelque chose. Mais là, pour l'instant, on appuie sur plein de touches et il se passe rien. Vous êtes tenté, votre appel va être pris en compte. Bon, voilà. On va avoir le droit à la petite alerte. Non, mais Isabelle, il faut attendre combien en général? Pas longtemps, vraiment pas longtemps. Bon, alors, on attend. Non, c'est pas long. D'accord, vous me faites une petite alerte quand même, si jamais... Taper sur 2, taper sur 5, mais c'est pas long. Mais ça, on l'a fait pendant qu'on était en train de discuter. Bon, oui, d'accord. Nathalie. Oui, brand, ça veut pas dire les brands qu'on met pour les clôtures de jardin. C'est brand, ce sont les marques. Voilà. Ah, allez les brands, allez les marques. Ah ouais, yes. J'en profite, tiens, je vois tonton Georges passer. J'en profite pour rappeler que ce sont les dernières minutes pour gagner un week-end dans le Bordelais où vous allez vous régaler, puisque je vous le rappelle que c'est l'opération Tous au restaurant. Vous allez dîner au Gabriel, à la Maison Bordeaux, qui sont deux restaurants fantastiques, où vous serez d'ailleurs, on vous paie, je crois, le transport pour aller passer ce week-end dans le Bordelais. Vous visiterez toute cette région. Donc très très vite, 3210, touche numéro 1, puis de nouveau numéro 1, ou bien le SMS, c'est le 74... 900. Bon, dès que Brandalley répond, vous me faites une petite alerte, Bernard. Non. Pendant ce temps-là, Hervé, pardon. Pendant ce temps-là, Patrick. Patrick, c'est encore un suivi. Le feuilleton, chaque jour. Entre 9h30 et 11h, il est passé lundi. Vous voyez, écoutez ce que nous avait dit Patrick. J'ai mis ma péniche en location sur un site spécialisé. Le client est resté 4 jours et a tout saccagé et vandalisé. Il y en a pour 8000 euros de dommages. Ce site garantit les locations, mais pour l'instant, il ne fait rien. Alors vous vous rappelez, c'est le fameux Airbnb. Vous donnez à louer votre appartement pendant quelques jours. C'est ce qu'il a fait pour sa péniche. On avait vu les photos. Peut-être qu'on pourra les réactualiser sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Une catastrophe. Ils l'ont arraché, je crois, sur le canapé, des mégots partout, des bouteilles. On avait l'impression qu'il y avait une orgie dans ce truc. Enfin, ils ont tout saccagé. Et il y en a pour près de combien? 8000 euros. Et lui, le client, Patrick, enfin en tout cas celui qui a donné sa péniche à louer, en plus, il avait souscrit l'assurance hein, que Airbnb propose et on n'arrivait pas à avoir le remboursement. Sarah, où en est-on s'il vous plaît? Est-ce que déjà Patrick est en ligne avec nous? Il est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Julien et toute l'équipe. Alors Sarah, dites-nous. Alors ça a très très bien avancé, rappelez-vous, vous m'aviez envoyé en duplex et sur place j'avais rencontré deux charmantes demoiselles, Célia et Sarah, chargées de la communication, qui ont tout de suite pris le dossier en main, qui m'ont expliqué qu'effectivement il manquait des pièces, qu'elles sont victimes de leur succès finalement. Il y a énormément de dossiers, pas beaucoup de litiges sur les clients, mais beaucoup de dossiers à l'étude. Et finalement, deux heures après, elles ont rappelé notre auditeur et normalement il manque deux, trois documents et dans la logique des choses, le remboursement va partir. Donc Patrick, apparemment c'est bien parti, on est d'accord? Voilà, donc je félicite toute l'équipe pour son efficacité. Donc effectivement, donc j'ai relancé Airbnb pendant un mois sans qu'il se passe rien. Et là, par miracle, un quart d'heure après la fin de votre émission, il y a le responsable du contentieux qui m'a appelé bon, pour me dire bon, qu'il s'est excusé, etc. Et donc maintenant, la balle est dans mon camp. Donc je dois finaliser le dossier que je vais leur envoyer donc pour traitement de l'affaire. Eh bien, c'est parfait. Bravo Airbnb, encore en tout cas. Mais je vous en prie. Et merci bientôt. À Sarah aussi. Je vous en prie, Patrick. Merci beaucoup et bravo Airbnb. Merci. Encore une fois, tout le monde peut se tromper. Toutes les boîtes peuvent se tromper, y compris RTL. Le tout, c'est de savoir vite réparer. Et là, ça a été quasi immédiat. Donc, Patrick devrait être remboursé. Écoutez bien, de 8000 euros. C'est ça RTL chaque matin. Merci Patrick, à bientôt, merci de nous faire confiance. Le Money Time, il nous reste 13 minutes avant la fin de l'émission. On va se faire dans une seconde un petit point info pour voir ce qui a été fait, ce qui a été conclu et ce qui reste à faire. Et ce qui reste à faire, c'est demain, c'est lundi, il y a plein de choses à dire. Ça se passe dans une seconde sur l'antenne d'RTL. En vous rappelant bien sûr que dès demain, nous allons encore régler des cas. Donc allez-y, 3210, profitez justement que le standard soit peut-être un petit peu plus libre. Ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Expliquez-nous votre problème, quel qu'il soit. Il n'y a pas des gros et des petits problèmes. Ce sont vos problèmes, ceux des auditeurs d'RTL qui nous intéressent. A tout de suite pour faire le point. My state of mind. RTL. Loto, loto, loto. Pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. L'ENA va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes, puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. L'ENA. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, bougez plus. France 2. Du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien avec les émissions de l'après-midi. Mille et une vies et mille et une vies rêvées. Visite privée. Amanda, Actuality et n'oubliez pas les paroles. Du lundi au vendredi, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues? Ah oui. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur des milliers de produits. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Avec Hervé Pouchol qui a Brent Vallée. Voilà, quittez pas. Allô, bonjour Brent Vallée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL au moment où je vous parle et il y a une cliente qui a eu un souci avec un téléphone qui n'a jamais marché, qu'elle a dû renvoyer, qui ne lui a toujours pas été remboursé. J'ai un numéro de commande, j'ai tout ce que vous voulez, est-ce que vous êtes habilité à me parler ou est-ce qu'on peut avoir quelqu'un, peut-être monsieur Rosenthal, le grand patron, ou vous-même? D'accord. Un instant monsieur, je vous reprends de suite s'il vous plaît. Merci beaucoup. Heureusement que c'est elle qui m'a dit ça, dans l'autre sens, ça aurait pu être très mal interprété. Donc, elle va me passer, je l'espère, quelqu'un chez Brand Valley. Oui, Hervé. Rue 1m65. Oui, arrêtez avec ça, vous êtes planté déjà. Donc, Isabelle, ce téléphone, est-ce qu'à un moment donné, vous avez évoqué le remboursement avec eux? Ah, oh, mais 10 fois. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit que ça allait avoir? On va vous le réparer. Je dis non, je veux être remboursé. Ah, on en prend note. On va vous tenir au courant par mail ou par téléphone. Et puis, on m'a jamais tenu au courant de rien. Et puis voilà. Alors, vous me faites une alerte, une nouvelle, Hervé, dès que cette dame de chez Brand Valley nous a passé quelqu'un. Nous, maintenant, on fait le point sur tous les cas et à n'importe quel moment, il peut arriver quelque chose. Vous vouliez dire, Maître Felloneau? Oui, moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'appeler et faire une lettre recommandée avec accusé de réception. D'abord, elle est très importante, cette lettre, parce qu'elle donne 14 jours au vendeur pour vous rembourser. S'il ne le fait pas, il y a des pénalités. Et des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 50% de ce que vous avez payé. Donc, il faut faire cette lettre. Elle peut rapporter gros. Le point sur tous les cas avec alerte possible sur Brand Valley, puisque Hervé attend qu'un interlocuteur arrive. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Patricia nous dit « Je n'ai que 50% de ma retraite, il me manque des trimestres. Ces trimestres correspondent à des années où j'ai travaillé dans un salon de coiffure et la preuve, j'y étais avant, pendant et après. Cette petite période a disparu et on n'arrive pas à me donner, j'ai envoyé pourtant les bulletins de paie, ce que l'on me doit et on me dit « Attention, vous avez peut-être vous-même fabriqué des faux bulletins de paie. » Mais heureusement, Bernard, vous avez trouvé à la Carvate, c'est la Carvate ? La Carsat. Ah, je confonds avec la Carvate de notaire. La Carvate. Donc, Bernard, vous avez eu quelqu'un? Alors, c'est Hervé. Donc, il y a eu quelqu'un, il va vous le résumer, justement. Ah, Hervé? Eh bien, oui. Tout à l'heure, vous avez eu la directrice adjointe de la CARSAT. Ils ont été très réactifs. Ils ont tenu parole. Notre auditrice sera reçue. Et c'est une question de jour, normalement. Il devrait y avoir le complément de sa retraite d'ici une semaine. Bon, ça, c'est bien. Et je tiens vraiment à ce que Sarah suive ça, parce que Patricia vit avec 400 euros par mois. Richard et son remboursement. Je rappelle qu'un tuyau de chez Veolia a percé. Donc, sa cave a été inondée. Il a dû tout pomper. Il a payé. C'est à Veolia de rembourser. Et ça bloquait. Où en est-on sur ce dossier, Bernard? Donc, Sarah nous a confirmé tout à l'heure que pour 3210 euros, il allait donc être remboursé dans les prochains jours par la direction. Ça fait un deuxième cas qui devrait aboutir très rapidement. Elliot et le chèque non restitué après la clôture de son compte. Je rappelle qu'il envoie, il dépose un chèque sur son compte, mais il ne le sait pas ou il l'apprend après. Entre-temps, son compte a été clôturé parce que, il faut quand même le dire, il était à découvert. Il veut juste savoir ce que va devenir ce chèque. Est-ce que la banque va se servir dessus? Est-ce qu'on va lui rendre? Et où est-il surtout? Alors, Elliot va aller donc à la BNP au Canet où la fait cette remise et grâce à Vidoc, le logiciel de la BNP, on saura où est ce chèque, Julien. Un quatrième cas, Guy et les impayés de la société OG International. Une auditrice nous a appelé, nous a dit que la société était en difficulté. Information que vous aviez eue la veille avec quelqu'un d'autre. Sarah, maintenant il nous faut vraiment que quelqu'un d'OG nous parle pour nous dire où en est la société pour savoir si c'est un mandataire liquidateur qui va s'occuper de la facture de notre auditeur ou pas. Ça va être l'objectif de cet après-midi, Julien. Il faut absolument qu'on arrive à solutionner cette affaire. C'est bien. Quand vous vous fixez des objectifs comme ça l'après-midi, au moins, on sait ce que vous allez faire. Bruno doit rentrer du Costa Rica en une journée, quoi, 11 ou 12 heures de vol. Il passe par 3 continents, ça dure 4 jours, on ne lui rembourse rien. Et Nouvelle Frontière lui dit, nous, on n'a rien à donner. Or, Bernard, spécialiste voyage, dit non. Dans ces cas-là, ils lui doivent 600 euros à lui, 600 euros à sa femme, et il n'y a pas à discuter. Et vous avez eu un directeur de Nouvelle Frontière. Exactement, qui était en séminaire donc en Sicile, M. Stéphane Lecoz, et qui nous a promis de rappeler le client dès lundi pour avancer sur ce dossier, Julien. Enfin, le dernier, c'est celui que nous sommes en train de traiter avec vous, Hervé Pouchol, Isabelle et le site Brand Valley, le portable qui n'a jamais marché. Bah écoutez, moi je deviens fou. Écoutez le message que j'entends. Ah, écoutons. Au revoir. Oui. Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Oui, votre appel va être pris en compte. Oui, bonjour madame, je voudrais parler à quelqu'un. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Oui, bonjour madame, le guitariste. Est-ce que tu peux avoir, s'il vous plaît, quelqu'un pour... Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Bonjour madame, je t'ai entendu, est-ce que tu peux avoir quelqu'un pour parler? Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Oh, t'es la journée et tu me répètes la même chose. Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Dès le lever du matin, la seule chose que tu dis c'est... Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. À midi, à l'heure de la paella, tu t'approches de moi et tu me dis... Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Et quand je me mets tout nu dans le lit, tu me dis aussi. Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Alors évidemment, maintenant, il y en a marre. Veuillez patienter, bon. Votre appel va être pris en compte. Je pense qu'elle ne répondra pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai le nez, vous voyez. Alors, Brent Vallée. Bon, non, c'est bon, on a compris. Ça sera pour demain, une spéciale Brent Vallée. Sarah, vous me trouvez quelqu'un pour demain pour avancer. Isabelle, on se retrouve demain sur l'antenne d'RTL. Pas de problème. Hein, pas de problème. Bah, attendez, merci d'ici beaucoup. Là, on ne sait jamais, il peut y avoir un miracle d'ici 11h, il reste 4 minutes, mais je pense qu'on va traiter ça demain. Ok, je vous remercie beaucoup. Dis donc, on en a fait des cas. Hein. D'ailleurs, vous avez vécu un voyage galère comme celui que nous a raconté notre auditeur. Vite, là, le standard est dispo, 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Vous avez des photos, n'hésitez pas. Vous êtes tombé sur un hôtel cauchemar, un camping cauchemar, un appartement cauchemar, photo également, 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Un, alors, deux, qui trois, a gagné quatre. Qui a gagné ce week-end gastronomique à Bordeaux dans le cadre de cette super opération Tous au restaurant, voyage offert. Allô, allô, bonjour. Allô. Oui. Bah, c'est moi. Oui. Julien. Ben oui. Oh, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Ça va? Ben, ça va bien, oui. Enfin, ça bien. Va même très bien. C'est Isabelle. Isabelle qui recherche un emploi dans les Deux-Sèvres. C'est ça, Isabelle? Ben oui, c'est ça. Isabelle recherche un emploi dans les Deux-Sèvres. Alors, je suis éducatrice spécialisée. Alors voilà, une éducatrice spécialisée disponible dans les Deux-Sèvres. Isabelle, en attendant de trouver du boulot, il va falloir se recaquer un peu. C'est pour ça que vous allez partir. Elle part à deux, tonton Georges? Oui, ouais, elle part à deux. Avec qui vous voulez, donc à Bordeaux, on vous offre le voyage. Oh là là. Et là, deux soirées gastronomiques extraordinaires. Et puis vous allez visiter cette ville qui est juste un bijou. D'accord? Ben oui, c'est vrai que c'est pas loin de chez moi, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de trop visiter. Ah bon? Où êtes-vous? Ben, les Deux-Sèvres, on est à 2 heures de route de Bordeaux, à peu près. Ah d'accord, bon, oui, ça fait quand même une petite trotte pour aller faire une petite balade. Mais très bien, mais c'est l'occasion, rêvez, vous allez vous régaler. Je suis ravi et bravo pour cette opération Tous au restaurant. Et on invite effectivement tout le monde, c'est toujours un moment convivial. Vous aimez bien ça, vous faire un petit resto, hein, maître Felonneau? Ben évidemment. Ben voilà, surtout quand vous ne payez pas. Alors ouais, Isabelle, je vous souhaite un bon week-end là-bas. Ben, je remercie tout le monde, je remercie toute l'équipe et je voulais aussi féliciter les standardistes pour leur accueil très sympathique. C'est gentil ça, bravo, merci pour elle. Isabelle, je vous fais un gros bisou. Nous avons vraiment, moi je voudrais féliciter mon équipe là. Il y a presque 6-7 cas qui ont été traités ce matin et ça a téléphoné de tous les côtés, ils ont vraiment été très efficaces. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout, elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybrid est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire toyota.fr. Mardi 20 septembre à 20h55, c'est le grand retour de Mardi Cinéma. Laurent Ruquier nous fait revivre tout l'esprit de l'émission mythique de Pierre Tchernia. Et au programme de Mardi Cinéma, un casting d'enfer. Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Guy Bedos, Marthe Villalonga, Annie Dupéret, Claude Brasseur, Danny Boone, Lambert Wilson, Pierre Ninet. Venez jouer avec le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Plein de surprises dans Mardi Cinéma. Mardi Cinéma, présenté par Laurent Ruquier, mardi 20 septembre à 20h55 sur France 2. En partenariat avec RTL. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais c'est quoi ces bouteilles, ces caisses en bois? C'est la foire au vin Carrefour Market, Michel. Ça commence demain jusqu'au 2 octobre. On va découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market à petit prix. Dites-moi en plus! Par exemple, le Château Bel Air Gloria au Médoc Cru Bourgeois 2014 est à seulement 8,99€. Un vin aussi à ce prix-là? Vous connaissez bien votre domaine. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, disponible dans les drives Carrefour Market. Voir produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et à 10h59 et 13 secondes, Brent Dallet, Hervé Pouchol. Ah bah écoutez, ça fait 22 minutes, j'entends toujours le même message. D'accord, et eh bien alors écoutez. Vous voulez pas que je vous fasse réécouter? Non, non, c'est bon, là c'est écouté maintenant. On va donner la parole à Stéphane Bern, c'est qui lui attend désespérément. Oh, enfin désespérément, faut pas exagérer, oh, mon cher Julien. J'avais envie de démarrer, je le sens bien. Absolument, mais je vous laisse terminer et conclure. Et nous recevons ce matin, eh bien, deux stars du cinéma français. C'est Marion Cotillard et Léa Seydoux. Dis donc, ça va pour vous? Bah oui, je suis très heureux, très fier. Il manquait plus que ça, vous ne soyez pas heureux. Et le film de Xavier Dolan est somptueux. Eh bien, ça nous donne envie d'aller le voir. On va vous écouter pour avoir encore plus. Merci à toutes les équipes. Merci Julien, bonne journée. D'Alain Hazard, bravo. Et merci à vous les auditeurs. À demain, 9h30. Vous êtes sur RTL, la radio numéro 1 en France. What's the sense in sharing this one and only life? À la seconde près 11h. L'information sur RTL, c'est de nouveau avec vous Marie Guerrier, rebonjour. Rebonjour Julien, bonjour à tous. François Hollande se confie dans le journal Le Monde, un entretien avec l'historien Pierre Nora et le philosophe Marcel Gauchet. Le président de la République constate que la gauche de gouvernement est toujours accusée de trahison. Et François Hollande estime aussi que la radicalisation de l'opposition et la présence d'une extrême droite autour de 25% créent une situation périlleuse pour le prochain président. François Hollande donc à lire dans le journal Le Monde. Une nouvelle fusillade dans le centre de Marseille. Il était 19h hier soir. Deux hommes ont été blessés, dont l'un très grièvement dans le quartier de la Porte d'Aix. Les agresseurs, le visage masqué par leur casque de moto, ont pris la fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un conflit qui a dégénéré sur fond de trafic de cigarettes. Le procès de la rixe de Cisco en Corse débutera bien cet après-midi à Bastia. Le procureur général a rejeté la demande de dépaysement. Trois frères de famille d'origine marocaine et deux habitants de Cisco sont jugés pour violence en réunion. Ils s'étaient violemment affrontés sur la plage de Cisco le 13 août dernier. Dans l'actualité, il y a aussi les plaidoiries des avocats de la défense au procès de Jérôme Cahuzac. Hier, la procureure a demandé 3 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre jugé pour fraude fiscale. Le jugement sera mis ensuite en délibéré. On ne connaîtra la décision des juges que dans quelques semaines. En Gironde, un suspect a été interpellé dans l'enquête sur les appels anonymes qui avaient entraîné l'évacuation de 2 lycées à Bordeaux et à Gujan-Mestras le 5 septembre. Un ressortissant marocain sans autorisation de séjour avait été intercepté à la frontière franco-espagnole et placé en centre de rétention. Eh bien, le tribunal de Perpignan vient de le remettre en liberté parce que son avocat a réussi à démontrer que le contrôle par les policiers français avait été effectué 10 cm en territoire espagnol. Dernière mobilisation dans la rue aujourd'hui pour réclamer l'abrogation de la loi travail. Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires organisent des manifestations dans toute la France. RTL vous pose la question aujourd'hui. Comprenez-vous cette mobilisation après l'adoption de la loi? Elle a été promulguée cet été. Vous pouvez répondre à cette question dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en débattre dans RTL Midi en appelant le 3210 et vous aurez au bout du Phil, Christelle Rebière et Vincent Parisot à partir de 12h30. En Normandie, un couple d'Ecquemoville près d'Honfleur ne supportait plus d'entendre sonner les cloches de l'église et il a sectionné les câbles d'alimentation électrique. Les deux quadragénaires ont reconnu les faits en garde à vue, seront jugés en octobre. C'est ce que nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. La météo aujourd'hui, de la pluie sur la moitié nord, mais elle n'atteindra l'extrême nord que dans la fin de journée. Donc vous avez encore du soleil et de la chaleur, notamment cet après-midi de 28 degrés annoncés sur l'île, 26 degrés à l'est à Strasbourg. Sur les autres régions, ça se rafraîchit sous la pluie, 19 attendus à Brest, 21 à Besançon comme à Tarbes, 22 à Paris, 24 à Lyon et Marseille. Les courses à Auteuil, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer l'As, le 3, le 8, le 6, le 2, le 4, le 12 et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, Max d'Aubrasil. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure commence, bien sûr, avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, et nous aurons la joie de vous entendre. À nouveau Marie Guerrier, à midi pour un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite. 11h, 12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et voilà, nous sommes dans la bonne heure en direct et en public sur RTL avec nos deux invités que je salue, Marion Cotillard, Léa Seydoux. Merci d'être avec nous. Je vais vous présenter et parler du film dans un instant. Je vous présente d'abord eh bien, nos petits camarades. Juste après le journal de midi, comme tous les jeudis, la chanson événement d'Old Delaf, composée spécialement pour nos invités. Et il nous a offert, là, on lui a offert un casting de luxe. Le voilà, Old Delaf, qui entre dans le studio. Ça sera à vous tout à l'heure. Le jeudi, c'est également le jour d'Edouard Dutour et sa revue de presse. Et là, il y a du lourd. Hein. Vous avez... Bonjour à tous. Bonjour Edouard. Bonjour madame. Régis Maillot est également avec bonjour. Nous. Bonjour. Vous avez mis la veste aujourd'hui. Oui, écoutez, il y a des dames. Alors j'ai pris une douche, j'ai mis une veste, je me suis fait propre et la barbe est taillée. Vous voilà. Risquez d'en prendre une de veste. Alors Éric Dussard, une fois n'est pas coutume, vous bonjour, avez envie de manger. À tous. Oui, on va se régaler hein, avec le dîner presque parfait, vous savez, sur W9. C'est le dîner de cons où il n'y a que des cons. Et alors, si vous aimez la quiche, vous allez être servi tout à l'heure avec une candidate absolument hors norme. Parfait. Gourmandise.